Han Song-ryul, vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, chargé des États-Unis, a rencontré le 30 avril l'ambassadeur russe à Pyongyang, Matsegora, pour échanger l'opinion sur l'actuelle situation dans la péninsule coréenne. Il a tout d'abord souligné que les manœuvres militaires conjointes sans précédent dans le monde, livrées par les États-Unis contre notre pays, et l'accroissement des biens stratégiques sont la source de l'aggravation de la situation de la péninsule coréenne, et énoncer l'attitude de prendre toujours les mesures de développement de la dissuasion nucléaire afin de défendre la souveraineté du pays, le droit à l'existence et la paix dans la péninsule coréenne contre les menaces de la guerre nucléaire américaine. L'ambassadeur russe a exprimé la compréhension à notre attitude et souhaité la détente la plus prompte de la situation en Corée. Les deux parties ont convenu de développer davantage la coopération dans divers secteurs conformément aux rapports d'amitié traditionnels.